بسم الله الرحمن الرحيم. من علي؟ ما ادري. Je ne sais pas. On avait dit quel exercice ? Là. Il n'y a pas de fête. J'ai trois. Ikhtar kalimat min qa'ima. C'est trois, c'est pas sept. Ikhtar kalimat min qa'ima. C'est trois, c'est ça. Ba. C'est sept. Là, moi j'ai trois. Inch'Allah. Oui, bah, Walen. Donc, Moutada, c'est At-Talibu. Mm-hmm. Il ouvre son khabar. Maridun. Maridun, nam. Deuxième, c'est At-Dukkanu. At-Dukkanu, Maftouhun. Nam, Maftouhun. Troisième, At-Tuffahu. At-Tuffahu, l'Azizun. Nam. Quatrième, Al-Ma'u. Al-Ma'u, Harun. Harun. Nam. Ensuite, Al-Hajar. الحجر ثقيل نعم شنيع القلم القلم مكسور يا بيكسا تلي قدين الحروف الشمسية القمرية تفضل ألف ألف على الحروف القمرية ب ب حروف القمرية ت ت حروف الشمسية ف ف حروف الشمسية جيم جيم حروف القمرية ح ح حروف القمرية خ خ حروف القمرية دل دل حروف الشمسية ذل ذل حروف الشمسية راء حروف الشمسية زي حروف الشمسية سين سين حروف الشمسية شين شمسية طاء طاء حروف الشمسية ضاء ضاء نعم حروف الشمسية عين حروف صاد أولا ربي صاد صاد حروف الشمسية ضاد حروف الشمسية أقول ربي عين عين حروف القمرية غين حروف القمرية ف حروف القمرية كيف حروف القمرية لا قاف كيف أولا قاف لا ف ف ف ق وبعد كف طيب حروف القمرية كف كف حروف الشمسية لم لم حروف الشمسية ميم ميم حروف القمرية واو نعم ها ها ها ها حروف القمرية واو حروف القمرية يا يا ما حروف القمرية طيب طيب ندخل في الدرس الرابع الكاتريم الكاتريم لسون الان on va rentrer dans ce qui concerne حروف الجر طيب et aussi des nouveaux أسماء استفهام أسماء استفهام طيب on commet il dit البيت طيب ولا يعني بيت بيت معنى معروف ولا بيت لا مرفوع وقوان مرفوع كان يستعمل بعض ضمة ينسل يبقى التنوين ضمة فقط تنوين تلك لا بد رابط avec le رفع مرفوع parce que sa haraka c'est une dhamma. Ensuite, il donne un exemple. Fi al-bayti. Vous voyez ? Fi al-bayti. Donc ça, fi, c'est quoi ? C'est harf jar. Vous voyez ça ? Harf jar. Vous voyez ? Ce sont des lettres, des particules qui rentrent sur les noms. Vous voyez ça ? Qui rentrent sur les noms et qui font, qui ont un sens. Vous voyez ? Elles apportent un sens particulier à ce nom. Sur l'ism, et font que il devient majrour, c'est-à-dire que sa fin c'est une kasra. Et à la dire qu'à la fin d'un ism suivi qui est précédé d'un harf jar, sa haraka à la fin c'est une kasra, donc on dit qu'il est majrour. Et majrour. Donc celui-là fi, sa harf jar, bima'na azorfiya, c'est-à-dire le sens c'est un contenu. Fi, qui a un sens de contenu, c'est une chose intérieure. Non. C'est le manna du contenu. Par exemple, tu dis fil bay, c'est-à-dire à l'intérieur de la maison. Dans la maison. Vous voyez, fi, c'est dans. À l'intérieur. Ensuite, le deuxième exemple, il dit al-masjidou. Pareil, masjidou, là, les marfour. Donc après, si le harf jar, il rentre dedans, tu dis fil masjidi. Vous voyez, après le harf jar, le ism il devient majrour et il prend une kasra. Il n'est plus marfou. Il est majrour. À chaque fois qu'un ism a la fin d'une kasra, on dit qu'il est majrour. Ensuite, il y a un deuxième exemple. C'est ala. Il dit al-maktabu. Là, maktabu, il est marfou. Ensuite, ala al-maktabi. Ala al-maktabi. Et ala, il a pour sens du dessus, une chose qui se trouve au-dessus, sur. Par exemple, ala maktabi, c'est sur le bureau. Vous voyez, ala, c'est, ça veut dire sur. Sur le bureau. Par exemple, après il dit, es-sariru. Es-sariru, là il est marfou, avec la dhamma à la fin. Ensuite tu dis, ala es-sariri. Là, il devient majrour à cause de ala, harf jar, qui rentre dessus. Donc, celle-là, c'est sur le lit. Là, c'est sur le lit. Et des, le harf jar, il y en a plein. Là, il a donné que deux à titre d'exemple, mais elles sont très nombreuses. Au fur et à mesure du livre, il va en exposer d'autres, Inch'Allah. Donc après il dit ben, maintenant il vient avec une question qui va inclure une réponse avec harf jar. Vous voyez ? Comme on a dit fi, ça veut dire sur, dedans. Et ala ça veut dire sur, ça veut dire que la question elle a besoin d'un lieu. T'as une question qui questionne sur un lieu. Alors il dit Aina Mohammedun. Donc là Aina c'est un nouveau ismu istifham. On a déjà pris ma, on a déjà pris man. Enfin maintenant, aina c'est un nouveau ismu istifham qui veut dire où. Vous voyez, où est. Donc il dit aina Muhammadun. Où est Muhammad? La réponse ça va être huwa fi al-ghulfati. Huwa fi al-ghulfati. Il est dans la chambre. Houa s'appelle un damir. Vous voyez, c'est un damir. En français, je peux dire un prénom démonstratif. Qui veut dire il. Vous voyez, ça veut dire il. Houa, c'est ce qui définit le singulier masculin absent. C'est-à-dire que tu parles d'une personne. Indirect. Hein? Pas les pronoms personnels. Tu dis Hua fil Rulfa. Hua, ça revient à qui? Ça revient à Mohammed. Donc huwa s'appelle un dhamir mufrad muzakkar ghaib. Ghaib c'est-à-dire absent. Lui quoi, il. Fi c'est le harf jar comme on a dit qui veut dire dans. Et elle ghulfa c'est une chambre. Donc tu dis Aina Muhammadun, où est Mohammed? Huwa fi el ghulfa, il est dans la chambre. Quoi? Damirun, c'est ça? Damir. Damirun, nam. Zakar, Mufrad. Nam. Ghaib. Ghaib. Nam. Ça, on va le. C'est juste pour le étudier, ça va venir après. Non, le tofil là. Si tu veux l'écrire, écris-le, mais. Le premier, c'était quoi? Harf jar, on l'écrit ça? Harf jar, nam. Harf jar. Jim et ra avec une chedda. Harf jar. Harf. Jarring. Nam. Harf jarri. Il y a une deuxième question, il dit. Il dit. Aina wa aina yasirun. Donc là maintenant il dit. Et où est yasir? La réponse, le jawab. Huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Alors c'est pareil, huwa, ça c'est un zamir. Fi harf jar. Wal hammami. Ça c'est la salle de bain ou les toilettes. Il est dans les toilettes ou dans la salle de bain. Ensuite, il dit wa aina amina. Donc là maintenant, il interroge à propos d'une femme. Wa aina amina. La réponse hiya. Hiya, c'est un damir. Voyez, pour mufrada muannatha. Muannath, c'est féminin cette fois. Voyez, ghaiba, absente. Isn istifham nam. فقال هي في المطبخ. في في الحرف جر المطبخ c'est la cuisine. Et il est majrur à la fin de kasra à cause de du harf jar. Ça a la fin a changé à cause du harf jar. Comme on a dit, dès que harf jar est rendu ism, à la fin il devient majrur, c'est-à-dire il prend une kasra. Donc la question c'est où est Amina? Elle est dans la cuisine. Ensuite, Aina el kitabu. Où est le livre? Huwa al maktabi. Il est sur le bureau. Donc là on va réemployer huwa parce que kitab c'est quoi? C'est muzakkar mufrad. Donc on va dire huwa. Ala harf jar qui veut dire sur. El kitab el maktabi c'est le bureau. Et il est majrour à cause de ala. À la fin d'un kasra à cause de ala. Ensuite, il vient qu'un autre exemple, encore féminin. Wa aina as-sa'atu. Vous voyez, sa'a c'est une montre. Ça veut dire l'heure, et en même temps ça veut dire une montre. Et ça on comprend dans le. Puisqu'il y a quelqu'un, c'est-à-dire dans le cours de la phrase, on comprend que là il veut dire une montre en elle-même, et pas l'heure. Wa aina as-sa'atu. Hein? Ça. On ne peut pas s'écrire autrement qu'avec le. Qu'en étant défini, non? Tu demandes l'heure, tu dis comment? Tu peux dire aussi, comme ça. Tu peux dire sans avec le problème. Mais sans. De toute façon, tu comprends dans la phrase que tu ne veux pas dire une montre. Taïeb. Wa aina as-sa'a. Taïeb, où est la montre? Il dit. Hiya ala as-sariri. Donc là, sa'a, c'est un mu'annas. Taïeb, c'est un mu'annas, c'est un femina. Donc on va dire hiya. كلمه واحد ها مؤنث كلمه واحد مؤنث ميم كذا ميم حمزه على الواو بعد النون بعد مؤنث ينشد على النون مؤنث Donc il dit hiya ala sariri, elle est sur le lit. Et là on a appris par exemple huwa fil ghulfati. C'est une jumla mufida, c'est une phrase qui a un sens qu'on a appris précédemment. Et l'umtada il est où? L'umtada c'est huwa. Vous voyez? C'est la chambre. Non. L'umtada, là c'est le damir, c'est huwa, c'est l'umtada. Mm-hmm. Et le khabar, c'est le harf jar avec l'isma jour, fil ghulfa. C'est ça le khabar. Ça va venir après, Inch'Allah. En tout cas, pour le faïda, vous savez que huwa, c'est là dans la phrase avec lui, le mutada. Et fil ghulfa, c'est ça le khabar. Il est dans la chambre. Vous avez une phrase, une jumla mufida. Alors après, il dit Ajib ane as'ilatil atiya. Répondez aux questions suivantes. Ça va être pour l'Irad, Inch'Allah, pour demain. C'est des questions avec Aïna, et vous venez qu'une réponse qui correspond, Inch'Allah. On le fera, Inch'Allah, vous faites à la maison. Avec Asma Stifem, Aïna, A, Man, Maza. Maza, juste on va préciser Maza, ce qu'on n'a pas encore pris. Regardez la question 10. Maza ala al-maktabi. Vous voyez? Maza ala al-maktabi. Donc on a pris déjà que ma, c'est ism istifham li ghayr al-aql. Vous voyez? Waza, c'est ism ishara. Za, c'est ism ishara. Comme hada, sauf qu'il n'y a pas de ha. C'est la même chose. Donc en fait ça voulait dire quelle chose, hein, qu'est-ce qui est sur le bureau, par exemple. Tu dis Maza al-Maktabi, qu'est-ce qui est sur le bureau? Maza c'est ism ishara. La ma ism istifham, waza ism ishara. En fait t'as deux noms là. La ma ism istifham et za c'est ism ishara. C'est même que haza, sauf qu'il n'y a pas de ha. C'est la même chose que Hada, sauf qu'il n'y a pas de Ha. À la base, dans Hada, est. À la base, dans Hada, en base de complément, le Ism Shara, c'est Za, seulement, en fait. Ha, c'est un harf qui a été rajouté. Le vrai Ism Shara, dans Hada, c'est Za tout seul. Et Ha, c'est un ajout. Ça viendra après, inchallah. Za, c'est un ajout. Ou comme Zadika, l'ism ishara c'est za seulement. Et lika c'est un ajout. Ça y est, c'est un ajout. L'ism ishara tout seul c'est za. Nam, qu'est-ce qui est sur le bureau? On a entendu comme ça. Ça y est, et les autres vous les connaissez. Man, vous le connaissez. A, Ahmed et Stéphane, vous le connaissez. Aïna, vous venez de l'apprendre. Donc on va dire Aïna c'est ism istifham. L'île Mekan, pour le lieu. Vous voyez? Aïna, quoi? Ism istifham. Mekan, le lieu. Ism istifham, l'île Mekan. Mekan, c'est lieu, ça veut dire lieu. Maman. Donc on a pris ma li ghayr aqil, man li aqil. Ça y est. Et on a pris Aina lil mekan. طيب le 2 il dit ikra waktub ma dhabt awakhir kalimat. Donc maintenant on a un mot soit le marfou soit le majrour. Chut, écoute. طيب لل premier Abdel Kader المدرسه لا c'est pas le mudarrisa المدرسه المدرسه نعم l'école donc là comme il y a rien il est marfou المدرسه le deuxième المدرسه pareil sauf que là tu vois qu'à côté tout le monde qui veut madrasa il veut pas mudarrisa comment il fait pour montrer c'est écrit à côté celui qui vient après. Là, c'est le premier, c'est El Madrasa. Deuxième aussi. Les deux, c'est les mêmes. T'as pas les harakas? T'as pas les harakas sur le deuxième? Non, non. Donc, vas-y, c'est quoi le deuxième? Moi, Mario. C'est le Madrasa. C'est le Madrasa, non. Ensuite? C'est le Bayt. C'est le Bayt. Non, c'est le Bayt. Al-Baytou. طيب سويت الغرفه له الغرفه نعم ثم الغرفه تو الحمام نعم المطبخ لا تو بيان تريك دو جام il est plié je crois il est dans la tuyère. Y'a pas? Y'a pas un fille qui traîne? Où? Oh? Ah oui, ton pas mis. Toi, tu as un fille normalement. Non! Donc tu dis? Tu fais ta colle? Tu fais de matbahi. Tu fais de non. Al-Maktabu ala al-Maktabi. Naam. Ala al-Kursi. Naam. Andek? Naam. Al-Sariru. Naam. Al-Maktabu. Yassi encore? Non. C'est ala al-Kitab. Hein? Nous on a ala al-Kitab après Sariru. Tu l'as pas? T'as pas le même? Ah, ala il est dans la pluie, par contre. Ah. Donc c'est à l'Al-Kitabi. Al-Masjidi. On se dit Ikra Waktoub. Donc là on va bien voir le Moutadal Khabar. Parce que par exemple il va dire par exemple At-Talib fil Jamia. Voyez. Donc comment on va l'écrire? On va dire At-Talibou. Parce qu'il est Moutada, donc il est Marfou, on a dit, tu vois. Il est Marifa. Fi al-Jami'ati. Donc là, le harf jar et le ism majrur, tous les deux ensemble, sont eux le khabar. C'est-à-dire ceux qui informent de du temps libre. C'est-à-dire l'étudiant est dans l'université. Jami'a, c'est université. Donc là, on a une jumla moufida, complète. On peut rajouter des choses, mais la base est présente. C'est-à-dire que quelqu'un dit al-Talibou fi al-Jami'ati, il n'y a pas besoin d'autre chose. La phrase elle est complète en elle-même. Moufida, ça veut dire quoi? Hein? Moufida. Hein? Moufida, ça veut dire pas Moufida? Je ne crois pas traduire, mais on va dire une jumla Moufida, c'est une phrase qui a un sens. Moufida, ça a plein de sens, tu vois, mais là, quand on dit une jumla Moufida, c'est une phrase complète qui a un sens. Moi, j'ai écrit ça Jim, Mim, Lem, c'est bon? Jumla ouais. Non, avec un thème à vous, toi. Avec on avait écrit la dernière fois Jumla. Ouais, mais je l'ai fait sans regard. Jumla, la deuxième phrase, Ar-Rajulu fi al-Masjidi. Tayyib, Ar-Rajulu, là, il est Mubtada, Marfou. Wa fi al-Masjidi, le harf jar, wa le if majrour, son khabar. Alib, ils sont le khabar tous les deux. Je mets l'alif ou pas? Sur quoi? Al-Jumla al-Mufida. Ah, elle. Al-Mufidatu. Troisièmement, Aina al-Tajiru. La réponse, wa fi ad-dukkani. Voyez, maintenant, une petite règle d'exception. Quand je vous dis Aina al-Tajiru. Aina al-Tajiru, c'est une jumla mufida, pareil. Voyez, c'est une jumla mufida. Qui me dit où est Mutada et qui me dit le khabar, il est où? Dans Aina, dans la question. Aina al-Tajiru. Aina al-Tajiru. Nam. Aina, ça c'est al-Mubtada. Non. Ou al-Tajiru. Al-Tajiru. Al-Khabar. Non. Là. Parce que al-Tajiru, il finit par Dhamma, donc c'est l'île. C'est l'île Mubtada. Et pourtant, on a dit que le Mubtada, il vient en premier dans une phrase. Donc comment tu fais maintenant? Ouais, mais là, c'est une forme interrogative, c'est peut-être spécial, non? Hum, arceinte. C'est spécial là. En fait, c'est Aina, c'est le khabar. Et le Tajiru, c'est le Mutada. En fait, ça s'appelle la Mutada Mouakha, ça veut dire qu'il a été décalé. Donc, et Aina, c'est un khabar Mukaddam, ça veut dire que c'est un khabar qui était avancé. Donc, Nakira. Les Asma Stéphane, même si ils sont toutes Nakira. Ma, Man, Aina, Kam, tout ce qui va mieux, ils sont toutes Nakira. Vous voyez, ça se voit pas que. Écoute. Mais si tu ne vois pas, ils sont tous Nakira. Voyez, prends-le comme Qaïda. Asma Stifhan, Nakira. Donc, Aina, c'est un khabar. Comment on appelle ça? On appelle ça un khabar Mukaddam. Abou Didi. Khabar Mukaddam. Khabarun Mukaddamun. Et nous sommes tada Mu'akharun. Lequel qui est Khabarun Mukaddam? Mubtada'u. C'est dans la troisième, c'est ça? Aina Tajir. Mu'akhar. C'est la même chose. Aina, c'est un khabar muqaddam, c'est-à-dire avancé. Et Tajiru, c'est un mutada mu'akhar, qui a été décalé, qui a été mis derrière. Ça, vous allez voir souvent. En plusieurs cas, des fois, tu es obligé de mettre le mutada, tu es obligé de le retarder. C'est obligatoire. Comme dans ce cas-là, par exemple. Là, tu n'as pas le droit de dire Etajiru Aina. Voyageuse. Vous voyez? Tu n'as pas le droit de dire Etajiru Aina. Quand tu as une phrase avec un ism istifham, le ism istifham, il est obligé d'être au début de la phrase. La construction des temps-là. Là, c'est obligatoire. Vous voyez? Le ism istifham, il est toujours en début de phrase. Quand c'est une question. Attendez, vous finirez d'écrire après. Continue. Quatrièmement, il dit Al-Qalamu ala al-Maktabi. Donc là, Al-Qalamu, il est Mubtada. Il est Marfou. Ala, harf jar, al-maktabi, ism majrour. Et eux deux, c'est le khabar. Cinquièmement, Aina Zainabou. D'accord, il y a fi al-ghulfati. Il y a fi al-ghulfa. Donc là, Aina, on a dit que c'était khabar muqaddam. Et Zainabou, c'est muqaddam mu'akhar. Pourquoi il n'y a pas de tanouin? Ça va venir après, Inch'Allah. Sixièmement, أين الورق؟ تقول هي على المكتب. ولا في تجي أليسيو البيورو أو ورق أو فصيص المؤنث. Tu vois? C'est quoi le problème de warak ou warakat? Hein? De quoi? Warak? Non, non. En français c'est mouannas, c'est ouais. Féminin, mais en arabe c'est mouzakka. Ah, mais il y a warakat? Hein? C'est notre règle. Vous voyez, c'est notre règle. À la base du mot c'est warak. Le test c'est un ajout. Le base du mot c'est warak. Donc tu te bases sur. Tu te bases sur le. Nam. Donc tu te bases sur l'origine du mot c'est warak. Tout ce qui est écarté à la fin c'est toujours un ajout. Donc tu reviens au mot d'origine. Le mot d'origine c'est warak. Vous voyez, donc c'est un mouzakka. C'est un nom masculin. Donc tu dis, huwa ala al-maktabi. Septièmement, Aina al-mudarrisu. Vous voyez, Aina c'est khabar muqaddam, al-mudarrisu c'est mutada mu'akhar. Tu dis, huwa fil fasli. Huwa ici c'est Damir, c'est un Damir qui revient au mudarris. Damir qui revient au mudarris. Man huwa al mudarris. Damir, on note pas, on va le revoir. Hmm? On note pas Damir, on va le revoir. On va le revoir, Nam, Inch'Allah. Et Fasli, c'est déjà la classe. Donc tous les Damir aussi. Nam. Tous les Damir, ils sont pas mudakar. Là. Ben non, hiya. Hiya, ouais. C'est moi, non? Et toi, là, t'as des pluriels. Tu vois, t'as des singuliers, t'as des duels. T'en as qui sont raïf, t'en as qui sont mukhatab, t'as un mien, Inch'Allah. Là, t'as un Damir. Hein? Salle de cours. Fos, c'est la classe. Nam. Donc là, Roua, Damir, Mudakar, Mufrad. Ghaib. Ghaib. Nam. Wa ala al-maktabi. Harf. Aina al. Aïe, ala harf jar. Al-maktabi, ism majrour. Et le harf jar, ism majrour, tous les deux ensemble, ils sont le khabar. Aïe. Donc là, huwa, c'est le mubtada. Nam, huwa le mubtada. C'est pourquoi il n'y a pas de dhamma. Ça, c'est encore un peu plus grave. Qui n'a pas de dhamma? Huwa. Huwa, il n'a pas de dhamma, yani ça. Tu vois une dhamma sur huwa? Le marfou' devant tes yeux, apparemment, en apparence. Ouais, mais quand tu écris, tu mets en général. Tu dis huwa où? Hein? Tu dis huwa où? C'est pas. Il y a un kasra dessus. Il y a une fatha dessus. Et on a dit que le mubtada est marfou' avec une dhamma. Hein? Le mubtada, le marfou'. Donc, comme là, le mubtada, il n'a pas de dhamma. Il n'y a rien. Ça ira après, Inch'Allah. Nam. طيب هو في الفصل après le 8e اين ياسر هو في الملحاض الملحاض ذا في التواليت vraiment tu vois c'est vraiment les toilettes l'eau tu t'es besoin c'est plus général ça enfin, peut inclure le mirhad quand ça peut faire la salle de bain mais mirhad c'est خاص pour le قد الحاجة. L'huitième question. Voyez. Neuvièmement, Al-Shamsu ou Al-Komaru fi Samaï. Al-Shamsu ou Al-Komaru fi Samaï. Donc là, le Mutada est où? Al-Shamsu. Voyez. Al-Shamsu, c'est le Mutada. On avait dit que waouh c'est harf atf, si vous vous rappelez. Qui veut dire Zif. Voyez. Et tout ce qui vient après un harf atf, voyez, il prend la haraka du ism qui est avant. Par exemple, tu dis el shamsu, voyez, le mutada. Donc il est mal fort. Wa el kamaru. El kamaru. Comme il vient après le waouh, il prend la même harakat que le nom qui est avant le waouh. Si tu avais dit Shamsi ou le Kamari, tu aurais dit Shamsi ou le Kamara. Il prend la harakat du nom qui est avant le waouh. Ça, ça viendra aussi après. Vous voyez? C'est ça le travail de Hafa'at. C'est qu'il fait, il répète l'analyse grammaticale du nom qui est avant lui. Il la donne à celui qui vient après. Mais le sens, ça veut dire et. Vous voyez? Le soleil et la lune sont dans le ciel. Donc le Moutada, il est tout seul là, il n'y en a pas deux. C'est Shams, c'est tout. Vous voyez Shams, c'est lui le Moutada. Le Rabba, c'est Fis Samaï. Dixièmement, Man, c'est le Fasl. Donc le Moutada, on a dit, c'est que Shams. C'est que Shams. Moutada, il est toujours tout seul. Al Khabar, c'est quoi ici? Khabar, c'est Ism Martouf, ça viendra après. C'est le nom qui vient après le Waouh. Et prend l'irlope du nom qui est avant le Waouh. Ah, c'est pas tout ça qui fait partie du Moutada? Là, le Moutada, c'est Shams tout seul. Moutada, c'est toujours un nom tout seul. Mais le Khabar, il revient à quoi? Il revient à Shams, mais il inclut Kamar, parce que Kamar, il est répété par Shams. Mais dans la grammaire, le Moutadal, c'est toujours un nom tout seul. Il n'y en a pas deux. Vous voyez? C'est Shams, c'est tout. Parce que tu enlèves Kamar, Sama, le Shams, il est où? Donc c'est, le sens, il est toujours correct. Et on enlève Shams, on dirait Kamar puis Sama, ça sera toujours correct. Ouais, mais je comprends pas pourquoi ils disent pas que c'est un groupe... Hein? C'est un groupe nominal, c'est groupe. Dans le sens, oui, mais dans la grammaire, ça revient à Shams tout seul. Mais le sens, il est compris. Nam. Man fil fasl. Qui répond à la question? Man fil al fasl. Yazid fil fasl. Yazid fil fasl. Nam. Bah, Yazid là où il va être Moutada. Yazid, ouais. Et fil fasl va être Rabat. Moutada. Et fil fos, Khaba. Moutada. Yazid, c'est un nom propre d'un homme. Donc on sait ce qu'il veut. C'est pas comme un Damir, tu vois. Un Damir, faut préciser, mais tu dis Yazid, tu sais c'est le nom d'un homme. Voilà. C'est un nom propre d'un homme. Donc tu sais forcément que c'est forcément Muzakkar et qu'il est forcément Mufrad. Donc fil fos, c'est le Khaba. Naam. Taïeb. Maintenant, on va voir. Là, une différence entre le nom masculin et le nom féminin, enfin, les noms propres. Par exemple, les noms masculins, les noms propres masculins, ils n'ont rien de particulier, ils restent sur les bases qu'on a appris. Vous voyez, ils prennent le tanouin. Mohammedun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Saïdun, Aliyun, Abbasun. Hamid, c'est quand on dit Abdelhamid, il fait comme ça, Hamid? Non. Là c'est Hamid, l'autre c'est Abdelhamid avec Ahmed. Et les noms féminins, parmi les noms propres, ils ne prennent pas de tanouin. Comme ça ils s'écrivent. Tu dis Aminatou et non pas Aminatoun. Vous voyez? Tu dis Zainabou, Fatimatou, Mariamou, Aïchatou, Khadijatou, Sofiyatou, Warukayatou. Vous voyez? Les noms propres féminins ne prennent pas de tanouin. Et aussi les noms masculins qui ressemblent au nom propre féminin, comme Hamza. Hamza, c'est quelqu'un T à la fin. Donc, il prend la règle du nom féminin. Mouawiyah, tu dis Mouawiyah tout. Il prend la règle du nom féminin. Bien qu'il soit masculin, mais dans l'apparence, il est comme un nom féminin. Donc, il prend les règles du nom féminin. Mais c'est un nom d'homme. Vous voyez? Dites Salama, tu dis Salama tout. Tolha, Tolha tout. Mais c'est des noms d'homme. Et le pourquoi ça, ça viendra encore après. Pourquoi ce nom-là il prend pas de tanouin, l'autre il prend tanouin? Il y a un sabab, il y a une cause. Tu vois? Ça viendra vers la fin du livre, Inch'Allah. Tayyib, lui dit Ikra waktub ma'adabt awakhil kalimat. C'est-à-dire là vous écrivez tous ces noms-là, qui sont exposés devant vous, parmi les noms féminins et masculins, qui sont tous des noms propres. Et celui qui prend tanouin, vous le mettez. Et celui qui n'en prend pas, vous ne mettez pas de tanouin. Vous mettez les noms. Quand ils ont besoin de tanouin, vous mettez le tanouin. Mm-hmm. Et quand il n'y a pas besoin, pas de tanouin. Comme cela, en dessous. Et en suivant les règles de ce qu'on a pris précédemment, dans Mohammed et Amina. Et vous appliquez la même chose sur les noms qui sont exposés en dessous. De toute façon, c'est le même nom. Hein. Ouais. C'est les mêmes. Juste qu'ils sont mis dans le désordre. Alors, Alam, Moussa, c'est nom propre. Alam, c'est nom propre. Isma Alam, c'est nom propre. Ça y est, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Une question? Donc aujourd'hui, on a pris un nouveau ism istifham, lil makan, c'est Aina. On a pris Harf Jar. Vous voyez? On en a pris deux. Harf Jar, ça ne traduit pas. Harf Jar, ça ne traduit pas. À la base, Jarra et Jurru, ça veut dire traîner, tirer. Tu vois? Mais là, ça ne rentre pas dans. C'est une sorte terminologique, on ne peut pas le traduire. Chut. Donc on a pris fi, voyez, fi qui veut dire dans, à l'intérieur. On a pris ala qui veut dire sur. Qui veut dire sur. On a pris également deux damir. Damir, on peut comme l'écrire, tu vois, pas de mal pour l'écrire, comme on écrit damir. Damir, c'est un dod, amin et un ya. On ne dit pas ism ou damir, non? Non, c'est damir. Damir. Ça s'appelle un damir. Un nom. Et damir, c'est un ism. Vous voyez, damir, c'est un ism. C'est pas un har. Ism ou quoi? C'est un ism. Il fait partie des asma. Vous voyez? C'est pas un harf et c'est pas un fial. C'est pas un harf et c'est pas un fial, c'est un ism. On a dit, les mots en arabe sont trois catégories. Soit un ism, soit un harf, soit un fial. Le damir, c'est un ism. Fakat. Tu diras, il y a un ra à la fin. Ah ouais, damirun. Ah, d'accord. Damirun. Ça veut dire quoi, déjà? À la base, damir, c'est une chose qui est à l'intérieur. Conscience, mais là ça ne traduit pas pareil. Donc c'est pronom personnel. Hein? Ouais, on voit. On a très bien au pronom personnel là. Hein. Ouais, ouais, il y en a d'autres. Anta, anti, antuma, antum, nahnu, ana. Donc on a pris aussi un nouvel ordre pour ce qui est du mutada et du khabar, que le mutada peut venir après le khabar dans certains cas. Vous voyez, spécifique, comme avec une question. Aina Mohammedun, on a dit que Aina, c'est un ism, istifham, vous voyez, et Mohammedun, c'est mutada. Donc Aina, c'est le khabar muqaddam, qui a été mis en avant, qui a été avancé. Et Mohammedun, c'est le khabar muakhar, mutada muakhar. C'est un mutada qui a été décalé, qui a été retardé, qui a été mis après le khabar. Ça, à la base, c'est ce qui vient après, mais bon, comme on était sur les jours de la femme, alhamdoulilah, vous comprenez, donc on l'a pris. On a des écrans encore. Et qu'on a dit aussi que les asma stifham, les ism, donc notre interrogatif, sont tous rakira. Ça, c'est mutlaq, ça, c'est catégorique. Vous voyez, les asma stifham sont tous rakira. Wahia, c'est des damaïr, c'est tout. Après, ils ont des tafsils, Raïb, Mkhatab, Takalim, ça viendra après, Inch'Allah. Ce qu'on a posé, c'est Raïb. C'est l'absence, tu vois. Lui, elle. Tu parles de quelqu'un, tu vois. Mkhatab, c'est toi. Je te parle à toi. Takalim, c'est moi. Ou Nahnu, nous, tu vois. Et ils vont venir après, Inch'Allah. Mais bon, ils sont simples. Donc voilà. Ma foum. Fa ilahuna. Walhamdulillah, Rabbil Alameen.